Welcome, my friends, to French Pod. Today, we've got an intermediate lesson. It's called Magic, and my name is JP. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. Hey, Amaury. So, Magic, what are we going to talk about today? Alors, aujourd'hui, on va parler du monde du spectacle. OK. On va se retrouver sur la scène d'un cabaret parisien. All right. Pour assister à une représentation de magie. OK, magie. Alors, attention, quand on parle de magie, il y a tout un monde. Est-ce que c'est réel, irréel? Est-ce que c'est vraiment magique? Right, or is it just an illusion? Qui sait? We're going to find out what's going on in our dialogue. So, what is our key word for today, our mot-clé? Public. Public. Okay, so this means the audience, right? Oui, c'est ce que tout artiste espère avoir lorsqu'il fait une représentation. Okay, so this is the crowd that watches. Exactement, oui. On va écouter le dialogue et la présentatrice qui introduit le numéro de magie. Mesdames et messieurs, et maintenant, voici venu le moment que vous attendez tous, le magicien. J'ai besoin d'un ou d'une volontaire dans le public. Oui, mademoiselle, vous, au troisième rang. Ne vous inquiétez pas, je vais seulement vous faire disparaître. Vraiment, ne soyez pas nerveuse, ça ne marche jamais. 1, 2, 3. Mais j'ai réussi. Elle a réellement disparu. Bravo. Excellent. Il est tellement heureux d'avoir réussi. What happened? J'ai l'impression que ce n'est pas un très bon magicien et que d'habitude ça ne marche pas. Okay, but this time it did. Ouais. All right. Où est la demoiselle? No idea. On va plutôt reprendre le dialogue. Okay. Donc on a la présentatrice qui va introduire le numéro et qui dit mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Et maintenant, voici venu le moment que vous attendez tous. Le magicien. Ok. Do you like to watch les magiciens? Oui, parce que je ne comprends jamais. Donc, ça m'émerveille à chaque fois. Ok. Donc, comme dans beaucoup de numéros de magie, il fait appel à un volontaire ou une volontaire. Il dit « J'ai besoin d'un ou d'une volontaire dans le public. » Ok. Now, remember, whenever you use the phrase « avoir besoin », it's always going to be « de ». Ok. So, here we have « avoir besoin d'un ». J'ai besoin d'un volontaire, but then he wants to tell us that it could also be a female volunteer. So he says, j'ai besoin d'un ou d'une volontaire. Oui, ça peut être un homme ou une femme. Okay, now remember that de comes up on both sides of the ou. Tout à fait, d'un ou d'une volontaire. Et ou, évidemment, dans le public. Okay, that was our mot-clé. In the audience. Oui, le public. Alors, je ne sais pas vraiment si elle s'est désignée, si elle a levé la main. En tout cas, il choisit une demoiselle. Ok. Donc, il dit, oui, mademoiselle, vous au troisième rang. Ok, le troisième rang is the third row, right? Oui. So, troisième means third. It's the ordinal number. Donc, on a le premier, deuxième et ici, le troisième rang. Alors, elle n'est peut-être pas très confiante. Donc, elle monte sur scène. Et donc, il essaye de la réconforter et il lui dit, ne vous inquiétez pas. Now, this is the verb s'inquiéter. And here we have it in a prohibitive command. That's a command, that's an imperative, that's negative, okay? So, don't worry. Now, because it's s'inquiéter, you're going to have that pronoun in front of the verb. And because it's prohibitive, you're going to start with ne and end with pas. So, ne vous inquiétez pas. So, don't worry. Et donc, il poursuit avec un peu d'humour. Je vais seulement vous faire disparaître. Okay, seulement. That's all. I'm only going to make you disappear. Now, we can talk about the causative here. He says, I am going to make you disappear. Now, it's just like in English. We're going to use faire, which is to do or to make. And then we take the infinitive, disappear. And you'll see this causative construction anytime somebody is trying to make something happen or make somebody do something else. Un autre exemple serait, si tu n'as pas assez étudié, eh bien, je te dis... Je vais t'aider à étudier. Okay, I'm going to help you study. Oui, et je vais te faire réussir. Okay, I'm going to make you succeed. Voilà. All right, it's going to happen. C'est un bon ami, hein, JP. Oh, absolutely. You're a great friend. Donc, après, il essaye vraiment de la réconforter maintenant, parce qu'elle a quand même un peu peur. Alors, il lui parle seulement à elle, et non pas au public. Okay. Et il lui dit, vraiment, Ne soyez pas nerveuse, ça ne marche jamais. Okay, it never works. And while he's comforting her, he tells her, don't be nervous, ne soyez pas nerveuse. Oui. So here again, we have a prohibitive command. So soyez, he's talking to her in the vous form, and this is the verb être. So soyez, ne soyez pas, don't be nervous. Nerveuse ici, évidemment, parce que c'est une femme. Mm-hmm. Ça ne marche jamais. Okay, it never works. Ne jamais, of course, is the negative meaning never. Donc, attention. Un, deux, trois. And she's gone. Elle a disparu. Mm-hmm. Et à son grand étonnement, il dit, mais j'ai réussi. Elle a réellement disparu. Okay. Let's take a look at the verb réussir. It means to succeed, to have success. Oui. Okay. So j'ai réussi. This is the passé composé. We use the auxiliary avoir, j'ai, plus the past participle réussi. J'ai réussi. I made it. I did it. I succeeded. Okay. And now, she really disappeared. Elle a réellement disparu. Okay. So disparaître, we have also in the passé composé, all right? And there's avoir. Elle a disparu. Disparu is obviously the past participle of disparaître. And here we have it modified by the adverb réellement. Okay. She really disappeared. Oui. Qui vient entre l'auxiliaire et le participe passé. Mm-hmm. Comme il aurait pu dire, elle a vraiment disparu. Right. Elle a réellement disparu. Oui. Okay. Donc il doit être très heureux. I wonder where the lady is though. Ouais. On va essayer de trouver le tour de magie en réécoutant le dialogue maintenant. Okay. Mesdames et messieurs, et maintenant, voici venu le moment que vous attendez tous, le magicien. J'ai besoin d'un ou d'une volontaire dans le public. Oui, mademoiselle, vous, au troisième rang. Ne vous inquiétez pas, je vais seulement vous faire disparaître. Vraiment, ne soyez pas nerveuse, ça ne marche jamais. Un, deux, trois. Mais j'ai réussi. Elle a réellement disparu. Bravo. Donc c'est un plaisir de parler du monde de la magie. Mm-hmm. Pour moi, comme je l'ai dit, je suis toujours émerveillé, car je ne comprends jamais. No, neither do I. That kind of frustrates me, though. Totalement, yeah. Ouais. Alors, je sais qu'il y a toujours un truc, mm-hmm. un tour de magie. Uh-huh. Mais alors, pour le trouver, c'est difficile. Yes, absolutely. Because they're so slick, you know. Ouais. They hide their trucs with all the talking and the sleight of hand. Et alors, on est distrait par d'autres choses. Mm-hmm. Et on ne voit pas quand ça se passe réellement. Exactly. Et ce qui se passe réellement. Mm-hmm, exactly. Ouais. Et moi, j'étais vraiment passionné parce que quand j'étais petit, tu sais, j'ai acheté une petite boîte de magie. Did you? T'as pas eu ça? I had the books, but I never actually bought the box. Non? I never bought the kit. Avec une baguette. Cool. Des cartes aussi. Uh-huh. Des cartes à jouer qui étaient un peu... qui étaient fausses, certaines, tu vois, pour t'aider. Oh, OK. Et bon, j'ai réussi à faire un tour. Mm-hmm. Et j'ai vu ensuite que mes talents de magicien s'arrêtaient là. Oh, you had to practice. C'est vrai. À mon avis, il faut pratiquer beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Mais bon, j'avais pas un lapin. Je voulais un lapin dans la boîte. Tu sais, le lapin qui sort du chapeau. Yeah. Ça, and right into the stew pot, right? Ouais. Ça, c'est un classique. En tout cas, si vous connaissez des tours de magie, n'hésitez pas à venir les partager sur la page de discussion avec nous. Si vous avez découvert également où est partie la demoiselle, nous attendons vos suggestions. Si ça tombe, c'est Marion. On va voir si Marion est là demain. Right. Otherwise, we're going to find her on the sides of milk cartons. Missing. Marion. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Jeffy. Merci. À bientôt. À bientôt.